بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. خديجة كومنتيبا أبو تيمية خليل المرتنيكي حفظه الله تعالى. ستم لسون. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد. Hier dans le hadith qu'on a pris, qui était le fait de se laver dans l'eau stagnante, في الماء الدائم, الغسل في الماء الدائم, والبول فيه, d'uriner, de se laver dans l'eau الدائم. Après, je t'avais dit que moi, ce qui me pose des problèmes, c'est التحريم يقتضي الفساد, que l'interdiction d'une chose qui la rend illicite, cela rend son action invalide. Son adoration, elle est invalide. Et que là, le hadith venait avec justement un sens d'interdiction, que c'était interdit de se laver dans l'eau d'Aïm. Donc je suis parti voir chef Fatih pour lui demander par rapport à ça, pourquoi, c'est quoi qui fait qu'il y a exception à la règle. Il m'a dit, c'est en fait dans le hadith, il y a un ajout qui démontre qu'en fait, c'est pas l'eau en soi qui n'est pas utilisée, mais la cause, c'est le fait de se laver dans l'eau stagnante, cela sera aura des répercussions sur les autres derrière toi. En fait, l'eau, tu l'as salie en fait pour ceux qui passent derrière toi, par exemple. Donc ce n'est pas convenable. Mais l'eau en soi, elle est tahour. Le fait de rentrer dans ce lieu avec l'eau, tu vas le souiller. Donc il a dit, en fait, l'eau, tu en prends extérieur. Il m'a dit, en fait, quand le Abu Huraira, il a cité le hadith, فَنَاسْ قَالُوا لَهُ فَكَيْفَ نَفَلْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ تَنَوَّلُوا مِنْهُ تَنَوَّلًا. Ça veut dire, en fait, ils ont puisé de cette eau-là. Mais c'est le kalam d'Abu Huraira. Donc, Cheikh, il a dit que ce kalam d'Abu Huraira, il est le seul sahaba qui a rapporté ce hadith. On le prend comme un tafsir de ce que ça veut dire. Son kalam explique ce qu'il a voulu dire par là, que l'eau, en fait, ce qui est interdit, c'est de rentrer dans le lieu. Et non pas d'utiliser de cette eau. Donc l'eau, on peut en puiser et se nettoyer avec. Mais non, on ne rentre pas dans le lieu. Alors, on ne rentre pas dedans. Wallahu ta'ala alam. Ce qu'il m'a dit, si je vois un surplus sur l'information, inchallah, on en reparlera. En tout cas, voilà. Tayyib. Aujourd'hui, hadith jadid ou ahadith. Wa huwa. عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة فليختلف جميعا أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها أخرجه مسلم. وليصحب السنن اختصر بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء يغتسل منها فقالت يعني بين قوسين له إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب صححه الترمذي وابن خزيمة. Donc le premier hadith, c'est selon un homme qui a été parmi les compagnons, qui l'a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à la femme de se laver avec le reste de l'eau de l'homme, et pareillement pour l'homme qui se lave avec le reste de l'eau de la femme, mais qu'ils en puissent tous les deux ensemble, chacun pour soi, quoi, de l'eau. Akhrajahu Abu Daoud wa Nasa'i wa Isnadu Sahih wa al-Hadithu Sahih. Le deuxième, qui est le septième, selon Ibn Abbas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est lavé avec le reste de l'eau de Meymouna. Le hadith rapporté par Muslim. Et parmi les ashab des sunan, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plutôt que l'une des femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est lavée dans un récipient, j'ai vu qu'ils ont traduit par Jat, on va expliquer c'est quoi Jafna, et qu'il est venu par la suite pour se laver de ce même récipient. Et qu'elle lui ait dit, j'étais junoub, en état d'impureté majeure. Il dit, l'eau ne devient pas junoub. L'eau ne devient pas en impureté majeure. Et le hadith, il est hassan. Taïeb. D'abord, le mot junoub, junoub, c'est un mot qui s'emploie pour le singulier, pour le pluriel, pour le masculin, pour le féminin, pour le duel. Tu dis junoub. Tu dis huwa junoub. Hiya junoub. Hum junoub. Hunna junoub. Wahuma junoub. Qui veut dire en état de janaba. C'est un mot en apparence unique, quel que soit le genre ou le nombre. Donc le shir dit. Également dans le hadith, le dernier. Tout d'abord, ce hadith-là, an rajulin sahiban nabi sallallahu alayhi wa sallam. La yan ibham. On a un homme qui n'est pas cité. Et certains savants, comme al-Bayhaqi, l'ont qualifié de mursel, le hadith. Et c'est une erreur. Car là, l'homme qui est boubham, c'est un sahabi. Et sahabi, ibhamu mayadur. Le fait que le sahabi ne soit pas nommé, ça ne nuit en rien. Car le sahaba kullu mu'dul. Il y a ijmax tous udul, tous justes. Donc, qu'on sache son nom ou pas, ça ne nuit en rien et ce n'est pas un défaut dans le hadith. Ça aurait été autre que le sahabi, na'am. Mais le sahabi, même si on ne connaît pas son nom, si on sait que c'est un sahabi qui a parlé, ça nous suffit, à la base. Donc le hadith n'est pas mursal. Donc il dit mas'ala hukm aywa afwan j'ai oublié l'autre hadith dans le mot jafna, j'ai trouvé qu'il est traduit par jat. Je sais pas c'est quoi jat en français, je connais pas. Jafna, à la base c'est un grand récipient de bois dans lequel on prépare la cuisine en fait. D'accord, c'est un ustensile de bois pour la cuisine. Hein? J-A-D-T-E, jatte. Mais ça vérifie, je ne sais pas c'est quoi une jatte. Moi, une fois en fait, t'as vu, il est restreint. Le mot, je ne le connais pas. Donc il dit Hukm tatahur al-rajuli bifadl al-mar'a. Le jugement de ce, la purification de l'homme avec les restes de l'eau de la femme. Qu'il a su un khilaf entre les savants. Donc certains voient que cela est permis. Tant que la femme n'a pas ses menstrues. Ou qu'elle n'est pas junub, en impureté. Deuxième qawl, qu'il est permis de se purifier avec le reste de l'eau d'eau. Avec lesquelles elle a fait l'eau d'eau. Ensuite, troisième call, qui n'est pas permis de se purifier avec le reste de l'eau d'une femme. D'accord ? Taïeb. Et quatrième parole, c'est que cela est permis. Cela est permis, sans même que cela soit détestable. Naam. Al-Jawaz mutlaqan. Donc le chien explique. En fait, cette divergence, elle est basée sur une compréhension. Kalimat fadl. Fadl là c'est le reste, ce qui est en plus. D'accord, ce qui est en plus. Donc le comment jouer entre les hadiths qui l'interdisent et ceux qui l'autorisent, comme le hadith avec Mimouna. C'est tout simplement ceux qui l'interdisent, c'est le fadl de ce qui est tombé, qui a été utilisé, qui est tombé de la personne. Par exemple, quelqu'un fait l'eau d'eau, il y a de l'eau qui tombe en faisant l'eau d'eau. Et cette eau, elle tombe dans un récipient, par exemple. Ce qui est interdit de prendre cette eau utilisée et de la réutiliser. Et le hadith qui l'autorise avec Maimouna, c'est l'eau qu'elle a pris qui reste, qu'elle n'a pas utilisée. Le surplus. Par exemple, elle a pris un récipient pour faire son rousse, elle a fait son rousse avec, et dans ce récipient, il reste de l'eau qui n'a pas été utilisée. Ça s'appelle fadl également. D'accord ? Ça s'appelle fadl également. C'est le surplus. Donc c'est ça en fait la distinction entre les ahadith. Mais en arabe, c'est le même mot, fadl. Et c'est l'avis à la fin de ce qu'a dit Cheikh Mokbil, Cheikh Al-Othaymin et Cheikh. Naam, Cheikh Mokbil et Cheikh Al-Othaymin. Que les hadiths qui interdisent sont ceux qui concernent l'eau qui est tombée, qui a été utilisée, et la permission, c'est l'eau qui n'a pas été utilisée, qui est en surplus. Ensuite, il dit Mas'ala hukm tata'uhur al-mar'ati bifadl al-rajul. Que la femme se purifie avec le reste de l'eau de l'homme. Donc il rapporte de An-Nawawi qu'il dit qu'il y a ijma, que cela est permis. Et en fait, il se trouve qu'une divergence a été trouvée dans le sujet. Et au final, le shir dit que la parole est la même que dans la parole précédente. C'est le même tafsil, le même détail sur la question. En ce qui concerne l'eau qui a été utilisée et qui a coulé, et l'eau qui n'a, le surplus d'eau qui n'a pas été utilisé. C'est la même chose. Ensuite, mas'ala tatahur al-rajuli wa mar'ati min inayn wahidin jami'an. Que l'homme et la femme se purifient d'un même récipient, ensemble. Donc, il rapporte de l'Imam Awi que cela est permis. D'accord ? Que l'homme et la femme se purifient d'un même récipient, ensemble. Et c'est venu un hadith de Aïcha. Kuntu ana rasulullah sallam natasil min inayn wahidin min al-janaba. Tamam ? Sur quoi ? Si, par exemple, tu as le droit de passer derrière ton épouse, derrière ce qui reste, la bah, oula, c'est pourquoi il y a un temps. Ouais, mais là-bas, oh non, c'est pareil de toute façon. C'est l'eau elle est, c'est pareil. Il n'y a même pas de caisse à verre. L'eau, elle est devant toi, tu t'en sers, elle s'en sert en même temps. Il était rapporté des Sahaba qui faisaient l'eau doux ensemble, comme cela, ça va venir. Avec les femmes. Attends, je me suis arrêté où ? Donc certains savants ont rapporté l'ijma de la permission de se laver, que l'homme et la femme puissent se laver d'un même récipient. Et pareil, cet ijma a été remis en question. Quoi qu'il en soit, une chose qui est permise, de se laver avec la femme d'un même récipient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait avec Aïcha. Radiallahu anha. Ensuite il dit mas'ala, l'eau utilisée, l'eau usagée maintenant. L'eau usagée. Donc des savants voient que l'eau usagée a perdu son côté at-tuhuriya, son côté purifiant. Certains voient que le fait que cette eau était usagée, cela enlève son côté purifiant. Qui reste pure, tahir, mais elle n'est plus mutahir. L'eau n'est plus mutahir. Elle est toujours pure, mais elle n'est plus purifiante. Naam. Et d'autres voient que l'eau, en fait, elle est sale. L'eau employée était sale. Elle était, par exemple, elle était peut-être de la crasse, de la sueur, ce genre de choses. Donc, il ne convient pas d'utiliser. Et d'autres disent que cette eau contient les péchés. Car tout comme dans le hadith, tu connais lorsque l'homme fait l'eau d'eau, les péchés tombent avec l'eau, avec chaque goutte d'eau. Et d'autres savants voient que même l'eau usagée reste tahour, qu'on peut l'utiliser. Et c'est la parole la plus forte, car elle correspond à dire qu'on a appris. C'est quoi les conditions pour que l'eau ne soit plus tahour ? Son goût, son odeur et sa couleur pour une najasa qui est tombée dedans. Là, est-ce que c'est le cas ? Ce n'est pas le cas. Au pire, elle sera un peu sale peut-être, mais elle ne sera pas. Elle restera toujours de l'eau et elle n'aura pas été contaminée par ou souillée par najasa. Donc le fait de dire qu'elle perd son côté purifiant, ça n'a aucune preuve à la pluie. Le fait qu'elle soit sale, cela n'empêche pas qu'elle soit toujours tahour. Et le fait qu'elle fasse tomber les khataya, les péchés n'ont aucun effet sur l'eau. C'est une chose raibi, tu vois. Azashi marnawi, naam. Ça n'a aucun lien avec l'eau en soi. Et cet avis, c'est l'avis de Cheikh Mohamed ibn Ibrahim, l'ancien mufti, rahimahullah ta'ala, de Cheikh Al-Othaymin, Cheikh Mokbil. Et d'autres ulama. Moi, je fais, comme on dit, résumé. Ici, à chaque fois qu'il sort un khilaf, sort tous les savants, tu vois. Nous, pour passer, sort justement le khilaf. Et celui qui veut savoir le tafsir, il revient au livre. Et également Cheikh Al-Islam Taymiyyah. Tamam. Ensuite, par rapport au hadith, le fait d'utiliser un récipient, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à Maymouna, lorsqu'il est venu pour prendre le récipient pour se laver, elle dit comme toujours nous ban. J'étais en état de souillure majeur. Il a dit quoi? Innel me la yajnib. Que ta souillure ne tombe pas dans l'eau. C'est-à-dire, toi tu l'étais, mais nous ne l'est pas. Et encore moins le récipient. Des fois, tu as des gens qui disent ouais, le récipient, faut le laver, ou ils ont des wasawis. Quand au fait de toucher, par exemple, ce qu'il y a contact, lorsque tu es en tajanaba, faut tout laver. Ça, c'est de la parano, ça. Il n'y a aucune preuve sur cela. La janaba, ce n'est pas une chose si contagieuse. Comme dans le hadith d'Abu Huraira, qu'il était dans certaines rues de El Medina, en état de janaba. Le salam, il est arrivé, lui il est parti. Quand il est revenu, après il est parti, il a fait son rousse. Après il est revenu, le salam connaît Ya Abu Huraira, ena kunta, tu étais où? Il lui dit, kuntu junuban, fakarihtu anujalisaka ala ghayr tahira. قال سبحان الله ان المؤمن في رواه المسلم لا ينجس. Il dit pourquoi tu es parti? Il dit j'étais en état de janaba. Il dit سبحان الله. Et je détestais le fait de m'asseoir avec toi dans cet état-là. Donc il dit le muslim il est jamais impur dans le sens en lui-même. Et ça ne se propage pas par là, c'est pas contagieux. La janaba, tu peux être avec quelqu'un, lui serrer la main, le toucher, mais yadou. Ça ne fait rien du tout. D'accord? Ça ne fait rien du tout. Voire même tu peux lire le Coran. Le Mus'haf, comme cela va venir, Inch'Allah, dans un chapitre. Dans les chapitres suivants, ça va devenir, Inch'Allah, le fait qu'est-ce que l'homme en janaba peut faire ou ne pas faire. Naam. Mafhoum hadha. Donc, la mas'ala, c'est quoi? Par rapport à la force de l'alma, mais sur plus d'eau, c'est l'eau qui a été employée. D'accord? Et l'eau qui est en surplus. La traduction, c'est de réutiliser l'eau qui est employée. Et la permission, c'est l'eau qui est en surplus. Ayak. C'est l'eau qui est en surplus. Amen. Ça va. Alhamdulillah Rabbil Alamin.